C'est venger. Écoute. Par un. Et Viagra, Mr. Viagra, could you play drum? Il y en a un qui fait l'aigu dans le nord. Son. t'entends toujours. Tendance à mettre trop de reverb dans leur simulation sur le Thunder là. On enlève le reverb. Non, non, non, on prend la reverb, il y a de la reverb là. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? On va faire, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? On est à plein reverb sur le preset, il y en a encore. Parce qu'il y avait un espèce de délai qui se réverbe aussi. Attends, à la fin de l'ampli, en fait, à la fin de l'ampli, t'as toutes les simulations hier. Écoutez. Basique 57, champ. Distorsion 9. son de Philippe. À quoi ça? Betty 70, c'est les Marshall. Marshall 80. Why can't something? I wanna give Il a des bons sons de batterie, Viagra. Good drum, Viagra. Very nice. Very nice job. Je fais des réglages en fait, j'apprends l'ampli quoi. Ah, du coup je passe sur un truc, tu sais, puis après je trafique le son. Ah, par exemple, là ils prennent un 57 Deluxe. Alors. Et tu règles le gain comme tu veux. Ah, eux ils ont fait un truc d'origine. Ça c'est d'origine leur truc. Ils ont mis du gain et ils ont mis un délai et une reverb. Et après, tu enlèves tout. Par exemple, je vais enlever le gain. Simulation sans rien. Ouais. panorama. Tout à zéro, les paramètres. Par exemple, moi, je commence à comprendre. Tiens, par exemple, si je veux un son de Vox, là, c'est 30, là. Allez, j'écoute. Ouais, c'est bon, ça. C'est quoi? C'est une simule avec beaucoup de gains, tout ça, non? Ouais, je sais. Je sais, mais j'ai plus le temps d'installer. Avec mon plafond qui s'est cassé la gueule. Ma nana, j'ai la gueule. C'est moi qui l'avais installé, ce plafond. Forcément, je suis nul en bricolage. Si je veux un son comme tu viens de faire là, faut faire quoi là comme son? Rejoue-le ton son. Attends, on va partir à un... Elle est assez forte, ma guitare, là. Ça fait là, on prend en rythme là. Comme des connards, oui. Non mais c'était bien. Moi je voudrais faire ta. Alors. De faire des réglages, mais j'arrive pas. 41, dynamique 57 sur 9, 12, 23. Travailler ce que tu m'as appris là avec le médiator sur le manche là. Tu me fais monter là. J'ai du mal hein. Ah ouais, j'adore ce truc. On a marre le pauvre Viagra. Eh, désolé, sorry Viagra. Ah, il est parti, la grammaire, on lui a cassé les couilles. Le cours de guitare, ça lui a cassé les couilles, on faisait plus de musique. C'est quoi son bruit que j'ai moi? Ça marche pas. Tout le monde est parti, on a bien cassé les couilles à tout le monde.